Ryder, mais qu'est-ce qui te prend? Descends, Steve! Spider, mais qu'est-ce qui te prend? Descends, Steve! C'est le temps de se placer ici en studio. On a quand même un invité de Marc qui ne s'appelle pas Marc. Un invité qui s'appelle Gérald, monsieur Gérald Larose en studio. Bonjour, monsieur Larose. Bonjour, bonjour. Pendant que Simon-Pierre Bilodeau, mon éternel comparse, se prépare, on va partir la toune qui fait sa renommée jusqu'au Liban, en fait. Il paraît que tu prends la suite de Mario Pelcha là-bas, qui est l'espèce de superstar. Voyons pourquoi qu'elle joue pas. Bon. 70%. Ouais, c'est ça. Ben, une espèce de Québécois qui a percé à rebours là-bas, Mario Pelcha, et Simon-Pierre Bilodeau qui est en train de prendre sa place là-bas. Mario Pelcha, t'es-tu sérieux? Ben, je te jure, ben oui, il a percé au Liban. Hein? Combien de temps après son à rebours? Bon, genre au début des années 2000, là, il est devenu populaire au Liban. Ah, oh, ouais. Ouais, monsieur. Puis là, ben, c'est rendu Simon-Pierre Bilodeau, ouais, la nouvelle folie. Fait. Là-bas, on l'écoute. Alors, c'est notre cirque du soleil, là-bas? Ouais, on pourrait dire. Je suis votre Céline Dion. Ah oui, notre Céline à nous. Ah ben, peut-être, toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Bilodeau? Toujours des nouvelles tout aussi époustouflantes. Et j'ai un beau paquet de questions pour notre invité, M. Larose. Merci d'être avec nous, Gérald. Ben, ça me fait plaisir. Le plus possible, oui. Sinon, t'as terminé, excuse-moi. Oui, j'ai terminé. Ouais, OK, je voulais simplement rajouter sur les merci. Oui, c'est sympathique de vous avoir avec nous. Et puis, ben moi, je vais parler de la pub de Jeep, du speech, mon extrait de douteux de la semaine. C'est le speech du dernier boss dans La Loi du Ninja. Qui est le chef des ninjas. Et puis, j'ai rencontré un nouvel ami qui s'appelle Léopold Constant, qui travaille au Dragon Rouge. On va peut-être en parler un petit peu. Très bien. Le film pas bon? On parle de 1987. C'est une aventure totalement standardisée de ninja qui s'entretue pour des raisons personnelles qui restent très vagues d'un bout à l'autre du film. Mais le book, ils décrivent la loi du ninja. On se rend compte que ça s'appelle pas la loi du ninja pour rien. Ce qui est quand même assez drôle. Puis là, je suis en train de chercher ma toune qui va s'appeler British Sea Power Blackout. On commence avec ça à 70%, puis on vous revient après avec Gérard Larose. Merci, Tom. Ah, c'est fort. Now you have drunk all your- OK, bonjour, ici Réal Bélan, vous écoutez Choc FM. Gérard Larose est syndicaliste et homme politique québécois de 83-99. Il a été président de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, et a également été membre de la commission Bélanger-Campeau. Monsieur Larose a présidé les États généraux de la langue française au Québec et il est maintenant président du Conseil de la souveraineté du Québec. Vous l'êtes toujours? Oui, toujours. Tout à fait. Monsieur Larose anime également une tribune politique sur la radio à CKAC, qui est appelée Injustice pour tous, dans laquelle il affronte la vision politique de Maître Jean Cournoyer. En mai 2007, il ajoute son approbation à suggérer la démission du chef péquiste André Boisclair, un peu plus tôt, 96, élu patriote de l'année. Oui. Merci d'être avec nous d'abord, une dernière fois que... Je vous dis merci d'être ici. avant la fin du show, mettons. OK. Monsieur Larose, on brûle d'envie de vous demander, c'est quoi une clause orphelin? Ah, une clause orphelin, c'est une clause où on prévoit que les plus jeunes dans l'entreprise n'auront pas droit aux mêmes avantages. Alors, exemple, on peut avoir deux échelles de salaire. Alors, il y avait une échelle de salaire, par exemple, qui prévoyait que les gens commençaient, je ne sais pas moi, à 20 000 $ Eh bien, quand il y a eu l'introduction des clauses orphelins, les patrons proposaient que les nouveaux, au lieu de rentrer à 20 000, vont rentrer à 18 000. Okay. Ou bien, une autre clause orphelin, c'est que les avantages de la retraite seront différents pour les plus jeunes que pour les plus vieux. Okay. Alors, exemple, supposons qu'après 35 ans de service, tu as droit à 70 % de ton salaire brut. C'est un bon pourcentage. Les jeunes, on pourrait dire, une clause orphelin, c'est ils auront droit à 65 % au lieu de 70. Okay. Alors, c'est un double régime dans une même entreprise. OK. Dans quel type d'entreprise ou d'organisation, ces clauses-là ont été implantées et dans quel but? Alors, c'était surtout au moment de la grave crise économique des années 80, du début des années 80. Hein, on rappelle qu'il y a eu, les taux de chômage ont doublé, sinon triplé dans plusieurs régions. Les taux d'intérêt ont monté jusqu'à 21-22%. Ça a été une dérive au plan économique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les finances de l'État aussi ont été mises à mal. Alors, dans le contexte de cette crise, je dirais tout le monde était aux abois et les patrons, systématiquement, pour essayer d'économiser et de trouver des règlements, parce que ils voulaient quand même essayer de régler, ont systématiquement déposé des clauses orphelins. Et il s'est trouvé qu'il y a eu des syndicats, ne pas aller en grève, ont accepté un certain nombre de clauses orphelins. Okay. Et ça a pris toute une bataille menée par les jeunes, notamment, par les organisations de jeunes, pour que l'ensemble des décideurs en relation de travail révisent cette stratégie-là. Et maintenant, c'est devenu illégal d'avoir un double régime à l'intérieur d'une même convention collective. OK. Quelles sont les entreprises qui ont adopté cette mesure? Il y avait, dans le petit commerce, il y a eu ça, dans des municipalités aussi. On a même vu ça à la police de Montréal. Ah oui? Oui, il y a eu ça à la police de Montréal. Ça se veut prestigieux. Alors, il y a eu quand même un certain nombre de secteurs où ça s'est introduit. Bon, ça n'a jamais été massif, là, tu sais, je dirais. Mais peut-être dans 1, 2 % des syndicats, des lieux de travail, il y a eu ça, effectivement. Okay. Je voudrais rajouter que les clauses orphelins, elles existent beaucoup là où il y a pas de syndicat. C'est-à-dire que les patrons, ils sont totalement, quand il n'y a pas de syndicat, c'est sur la gueule du client qui donne les conditions. Souvent, on dit, par contre, que les syndicats se créent là où on a besoin d'avoir un syndicat. Il y a beaucoup d'entreprises comme, par exemple, Canadian Tire Corporation, qui traite bien ses employés, qui les paie bien et qui n'ont pas de syndicat. Ils ont un comité paritaire, par contre, mais l'entreprise va très bien sans qu'il y ait nécessairement un syndicat qui soit en place. Est-ce que le syndicat, à vos yeux, est nécessaire pour le bon fonctionnement, pour le bien-être et de ses employés? Moi, j'estime qu'une société non syndiquée est une société profondément handicapée à deux niveaux. Mmh. D'abord, pour la répartition de la richesse et deuxièmement, au plan de l'application des droits. les sociétés les plus totalitaires, les plus répressives, mm-hmm. sont des sociétés non syndiquées. Et curieusement, les sociétés les plus prospères, les sociétés qui sont en même temps les plus égalitaires, c'est-à-dire là mm-hmm. où il y a moins d'écart entre les plus riches et les plus pauvres, et en même temps, les sociétés les plus solidaires, où il y a des programmes sociaux importants, c'est les sociétés les plus syndiquées. Alors qu'on prenne les pays nordiques, par exemple. Oui, les Scandinaves, oui. Que ce soit la Norvège, la Suède, le Danemark, on peut même prendre l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique. C'est des pays hyper syndiqués. Et c'est normal, parce que quand tu as une société qui est syndiquée, le patronat et le capital en général, d'abord, est obligé de planifier ses opérations, oui. au lieu de jouer ça sur la gueule. Et la syndicalisation fait en sorte que, même dans la société québécoise, pour les mêmes dans un même secteur, ceux qui sont syndiqués par rapport à ceux qui ne sont pas syndiqués, il y a un écart systématique de 40 %, c'est-à-dire en termes de salaire et mm-hmm. d'avantages sociaux. Parce que souvent, lorsqu'on n'est pas syndiqué, c'est souvent sur les avantages sociaux que se fait, la perte. C'est que les gens n'accumulent pas de retraite, mm-hmm. les gens n'ont pas l'assurance collective, les gens sont systématiquement, disons, écartés de tous les bénéfices sociaux. Alors, c'est ce qui fait la différence. Au plan des salaires, bon, c'est régulièrement moindre, mais l'écart n'est pas de 40 % par ailleurs. Tu parles, par exemple, de Canadian Tire. Mm-hmm. Bien, Canadian Tire, bon, je pense que par rapport à un secteur syndiqué, puis il faut dire que dans le secteur du commerce au détail, c'est pas très syndiqué. C'est à peu près 5 %. C'est à peu près 5 % des gens qui sont syndiqués dans le secteur du commerce, alors que le taux moyen de la syndicalisation au Québec est de 42 %. Okay. Donc, mais il y a des. J'aimerais voir, là, j'ai pas vu les chiffres récemment, mais j'aimerais voir l'écart qu'il y a entre le secteur syndiqué et le secteur. Oui, en fait, je connais un commerce dont on taira le nom, situé à Jonquière, dont les gens ont voulu essayer de se syndiquer, et puis on a vu ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Ouais. Ça, c'est des entreprises. Cette grande entreprise, et moi, je la nomme, c'est Walmart. Comme le secteur bancaire oui. également. C'est comme McDonald's mm-hmm. Aussi, c'est des grands secteurs qui consacrent des millions à combattre la syndicalisation. En effet, oui. C'est spécial. Pour hein? eux, ça fait partie de leur stratégie. Avez-vous vu le film The High Cost of Low Prices? Oui, j'ai vu ça. Oui. Non, mais c'est, je dirais, c'est une illustration formidable de ce que c'est que l'exploitation la plus. Très bien. J'ai une autre question avant d'aller en musique. Vas-y, mais bon, ben moi aussi, je vais en poser une après. C'est une question pertinente qui nécessite une réponse Simon, en profondeur. J'y vais. Gérald a l'air boosté en plus, là, il veut répondre. Là. On a parlé des clauses orphelins qui maintenant ouais. sont illégales. C'est plus vraiment un sujet d'actualité. Par contre, un qui en est de plus en plus, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la discrimination positive? Oui, ben moi, je trouve que c'est une... je dirais stratégie pour corriger des situations systémiques. Hein? Bon, exemple, il y a à peu près 30 ans, le niveau d'emploi des femmes était systématiquement beaucoup plus bas que celui des hommes. Mm-hmm. Tu vois? Alors, il y a eu des programmes de discrimination positive pour faire en sorte qu'on ait une stratégie qui fasse, par exemple, que sur trois embauches, que systématiquement, ça en soit deux femmes pour un homme. Alors, de telle sorte qu'on finit par corriger mm-hmm. la situation. Alors, on le fait aussi pour pour les Noirs, mm-hmm. pour les minorités visibles. Alors, la discrimination positive, c'est pour corriger une situation qui est de la discrimination systématique. C'est pour okay. inverser la tendance. OK. Est-ce que vous croyez que cette systématisation-là de l'embauche de gens qui font partie des minorités visibles ou des femmes, est-ce que vous croyez qu'elle existe réellement en 2007 aujourd'hui? Oui, ça existe encore. Okay. On prend par exemple les Noirs au Québec. Mm-hmm. Hein? Oui. Les Noirs au Québec, le taux de chômage des jeunes est deux fois supérieur. Mm-hmm. À la moyenne générale, alors que le taux de scolarité est plus fort. Donc, il y a des problèmes. Oui, c'est weird, ça. C'est très weird. Et à mon avis, bon, On peut pas dire que la société québécoise est une société raciste au sens où il n'y a pas le Ku Klux Klan ou des trucs, disons, pour combattre les Noirs, mais il y a un héritage blanc, ici comme ailleurs, où systématiquement, on a un préjugé défavorable qui fait que ça pénalise mais les Noirs. Peut-être que de discriminer positivement les Noirs, ça fait juste encourager ce phénomène-là. Peut-être qu'on devrait juste essayer d'oublier ces espèces de législations-là puis engager le monde selon leurs compétences, parce que là, ça les aiderait, les Noirs. Ouais. Mais c'est parce que quand on veut renverser, je dirais, des réflexes de société. Ouais, okay, si on parle là, on systémique. Est obligé de prendre les mécanismes. Ouais. Hein, parce que sinon, si on suit à la bonne volonté du monde, ça, c'est comme la répartition de la richesse. Là. Dans la société, si on suit à la bonne volonté du monde pour répartir la richesse, là, tu peux être sûr qu'il y en a qui vont partir avec la caisse. Hein. Ah, c'est bien dit, ça. Il y a le gros de la gang qui va rester sans le sou. Ouais. Okay. Qu'est-ce que vous pensez du fait que beaucoup d'entreprises, surtout dans le privé, ne reconnaissent pas l'expérience acquise à l'étranger? Oui. Chez les nouveaux arrivants. Moi, je suis président d'une entreprise d'insertion de jeunes. Hein. Ça s'appelle Insertec. On a 24 postes de jeunes et on fait vivre aux jeunes une expérience de travail de 6 mois pour leur donner, disons, pour leur permettre d'intégrer le marché du travail ou bien de retourner à l'école. À l'intérieur de notre entreprise, alors ça s'appelle Insertec, on a aussi un programme qui s'adresse aux immigrants adultes. Alors, les gens viennent travailler chez nous. Alors, on a 12 postes de travail. Et on leur donne une expérience de 3 mois de travail. Eh bien, si je te disais que le taux de placement est de 100 %. Bravo! Alors, les gens qui sortent de chez nous, après 3 mois, s'en vont voir. Puis c'est des gens là, compétents. Là. C'est des techniciens, c'est des gens tout formés, hein. Puis il faut se rappeler que les immigrants adultes qui arrivent chez nous, c'est des cadeaux, là. C'est-à-dire, c'est de la richesse brute. On n'a pas dépensé un sou pour leur formation. Oui, c'est vrai. Alors, lorsqu'on leur donne une expérience de travail de 3 mois, ils se présentent chez les employeurs puis leur disent, oui, moi, j'ai une expérience de travail québécoise. Et puis, effectivement, ils peuvent intégrer le marché du travail. Ça, c'est comme pour les jeunes. C'est-à-dire, exiger... Tu sais, souvent, tu vas t'embaucher... C'est ta première job. Et puis, il exige une expérience de 2 ans. Ben, écoute, tu commences jamais avec une expérience de 2 ans. Voyons donc, toi, tu sais. Alors, ça, c'est un peu fauné. Je connais une université où j'ai été employé où, malheureusement, je raconterai ça après l'émission. J'ai payé une bière. Hey, ben, moi, j'ai une petite question avant d'aller écouter une toune qui va s'appeler All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. Monsieur Gérard Larose, est-ce que vous jouez à Magic? Si je joue à Magic. The Gathering, non. Non. Bon, voilà, c'est le mot de la fin. On va vous revenir après à 70%. Merci beaucoup, hein. Très intéressant. Bien. On vous revient. There must be some kind of way. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Getting late. Hey! Vivre comme un ninja, c'est vivre d'une manière sacrée. Quelle que soit notre mission, nous devons vaincre ou mourir. Ninja, nous naissons. Ninja, nous mourrons. Trois des nôtres ont disparu, mais notre âme de ninja est éternelle. Et mourir comme un ninja, c'est mourir dans la gloire. Ninja, nous naissons. Ninja, nous mourrons. Nous, brillants ninjas, existons depuis l'aube des temps. Et quand nous entreprenons une mission, nous ne craignons rien. Si nos ennemis augmentent, éliminons-les. Si les nations s'accroissent, détruisons-les. Si le mal se propage, supprimons-le. Nous naissons ninja. Ninja, nous resterons. Écoute cette histoire de ninja. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces types? Bonjour, patron. Il y a un cadeau pour vous. Cadeau? Ouf, ça va faire les affaires de ninja. On a eu le serment des ninjas. C'était tiré de La loi du ninja, un film de 1986. En fait, ce qui est spécial avec ce film-là, c'est que c'est produit par la même personne qui a produit le film qu'on va écouter tantôt ce soir. Je parle de Joseph Lai, le Sud-Coréen. Le film qu'on a ici ce soir à Choc FM pour vous, ça va être Les Aventuriers du Système solaire. On espère que M. Larose, qui a poussé quelques sourires en écoutant le speech du boss de la fin, va daigner écouter quelques extraits de cette susmentionnée chose. Peut-être avant de te relancer en question avec notre invité oui. de marque, moi j'aimerais lui demander en fait... peut-être nous parler de quand Gérald Larose est devenu Géralo à Taquinons la planète ou à Sans limite dans le bon vieux temps. Quel genre de souvenir t'as de cette expérience-là où, D'abord, un souvenir positif, même si j'avais découvert dans cet exercice comment Taquinons la planète était un groupe qui travaillait d'une façon extraordinairement rigoureuse. Hein? Oh. Mm-hmm. Disons, on a mis au moins 5 heures à produire cette petite bande, et puis c'est fait avec beaucoup de... Je dirais de détermination et avec. C'est ça, c'est beaucoup la rigueur. Et puis moi, bon, ça m'a fait énormément plaisir de le faire parce que d'abord, c'est un héros de mon enfance, qu'on le veuille ou pas, là. Ah, ben oui. Bobino et Bobinette, ben c'est quand oui. même. Ça nous a accompagnés. Guy Sanche, hein, c'est ça. Il a fait oui, ça Guy de Sanche. 58, 59. Oui, oui, ça, pratiquement avec le début de la télévision. Hey, hein, un vétéran. Oui. Alors, donc, mais le plus extraordinaire, c'est, d'abord, je m'en fais parler pratiquement tous les jours, encore aujourd'hui. Wow! Et au moment où je l'ai fait, les gens m'ont dit que c'était une imitation tout à fait semblable, enfin, une imitation très, très crédible, et pourtant, disons, je ressemble pas du tout à Guy Sanche, j'avais même... Moi, j'ai la barbe. Lui n'avait pas la barbe. Alors, ça a été une très, très bonne expérience. J'ai beaucoup aimé ça. Ah, c'est vraiment chouette comme anecdote, en tout cas. Oui. Puis, je pensais être original d'en parler là, mais non, pas non, en non, tout. Non, c'est... Ah non, les gens... Bon, ben, d'abord parce que le DVD est sorti maintenant. Hein, ah et puis, oui, c'est revenu. Et puis même, on me dit que sur Internet, les gens peuvent y accéder aussi. Alors, probablement. Ouais. Hey, c'est le fun d'avoir un YouTube à son nom. Hein. On devient du superstar. Ben vas-y Simon, défoule-toi. D'autres questions? Oui, oui. Existe-t-il des syndicats trop puissants, à votre avis? C'est-à-dire que il y a divers syndicats. Hein? On pense que tous les syndicats se ressemblent. Il y a 3 types de syndicats. Il y a les syndicats affairistes, mm-hmm. hein? Des syndicats qui sont là que pour le fric. Et ça, c'est un courant qui a tué le syndicalisme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, maintenant, les gens sont syndiqués à peu près à 8 ou 9 %. Okay. Parce que ça a été essentiellement du syndicalisme d'affaires. Les gens monnayaient toutes leurs conditions. Alors, quand il y avait des conditions pénibles de travail, au lieu de travailler à l'élimination du danger à la source, ben, ils disaient « on va aller chercher une prime ». Hein? Comme c'est dangereux, bon ben on va aller chercher une prime. Alors, ils ont tout monnayé comme ça. Mmh. Quand est arrivée la grave crise économique ou les graves crises économiques, Ben, il s'est arrivé qu'il n'y avait plus d'argent à aller chercher. Et ça, ils ont perdu, je dirais, le sens du syndicalisme, et puis ça a été la désaffection. Alors, il y a l'affairisme, mais il y a aussi le corporatisme. Il y a des syndicats qui sont, ils sont pour la défense de leur propre gang, point à la ligne, sans regarder ce qui se passe ailleurs. Bon, souvent, je le dis un peu avec précaution, mais disons, les médecins, règle générale, les médecins protègent leur profession. Ben, on le voit avec les... Enfin, ceux qui, les candidats au stage en médecine, là, qui ont été refusés malgré avoir passé le test. Alors ça, c'est un comportement corporatiste. Alors moi, je trouve toujours que l'affairisme et le corporatisme, il y en a toujours trop. Le syndicalisme que personnellement j'ai toujours favorisé, puis avec lequel je travaille toujours, c'est ce que j'appelle le syndicalisme sociopolitique. C'est-à-dire, c'est la défense et la promotion des intérêts des salariés qui s'inscrit dans la promotion d'une société plus juste, plus égalitaire, plus qui veut participer à la répartition de la richesse, etc. Alors, ça... Non, moi je trouve que c'est pas assez fort, c'est-à-dire c'est le courant syndical qui a fait progresser les sociétés et qui les fait encore progresser aujourd'hui. Vous savez, dans les sociétés répressives, il y a deux types de personnes qui sont dans la mire des tueurs. C'est les journalistes et les syndicalistes. Les premiers parce qu'ils se battent pour la liberté d'expression. Les deuxièmes parce qu'ils se battent pour la liberté d'organisation. Mais souvent, le crime organisé n'a pas été mêlé avec les syndicats. C'est-à-dire, il y a eu... Je crois qu'il y en a un qui a été assassiné, il était en compagnie de Maurice Boucher. Il y a eu un fort aussi... Ouais, okay. Alors, je crois que ça s'appelait Desjardins, il s'occupait des gens qui travaillaient sur la construction. Desjardins. Alors ça, il y a eu, oui, quelques syndicats. Alors ça fait un tort incroyable à tout le mouvement syndical. Ça doit être surtout des affairistes. Oui, c'est des affairistes, mais qui sont en même temps des gens qui dirigent comme une mafia. C'est-à-dire, ils ont leur garde rapprochée, ils ont les gens qui protègent, etc. Il y a eu ça chez les plombiers, dans le syndicat de la construction du Québec, là, à l'époque, toujours affilié à la FTQ, mais du temps qu'il y avait ça. Et il y a eu une commission cliché pour faire la lumière là-dessus. Ils ont été mis en tutelle, etc. Donc, oui, ça existe parfois. Et c'est à combattre, hein, parce que ça, c'est de la gangrène. C'est-à-dire, ça discrédite tout le mouvement syndical. OK. Récemment, il y a eu une grève du syndicat des transports à Montréal. Quelle était votre position là-dessus? Je suis d'accord, moi, surtout... Avec la grève de ces employés-là? Oui. À 53 000 par année en moyenne? Oui, mais 53 000, il t'en reste combien? Hein? Après 53 000, il t'en reste quoi, 30 000? C'est pas des gros salaires. Et quand on compare à des salaires... disons, la moyenne des salaires industriels au Québec, c'est 30 000 $ hein? Ça, c'est la moyenne des alors des là, c'est presque le double à 53 000. Oui, mais ça veut dire... C'est les bonnes conditions. On parle aussi des avantages sociaux, les régimes de retraite, tout ça. Non, quand on dit 53 000, là, ça inclut tous les bénéfices. Là. Okay. C'est ce que ça coûte à l'employeur. Hein? Okay. Ça coûte à l'employeur 53 000 $ Par employé par année. Okay. Alors, c'est parce que... surtout, si on veut comparer les gens de l'entretien de la STM de Montréal par rapport à l'entretien ailleurs, genre à Toronto, Ottawa, etc., ils gagnent pas plus, ils gagnent plutôt moins. Okay. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que ils sont en grève à la condition que soient maintenus des services essentiels. Il y a quand même 8 heures de transport par jour, tu sais. Moi, j'ai connu des grèves. Pendant la grève, ça? Oui. OK. Donc, vous étiez d'accord avec leurs moyens? Avec leurs moyens de pression? Tout à fait. Okay. Êtes-vous en auto ou en... Moi, non. Moi, je suis un gars de transport en commun. OK. Très bien. Bravo. Ouais. Bravo. J'achète ma cam, 65$ par mois. Moi, je suis un gars de transport en commun. C'est 30$ dans le temps. Puis ça, c'était quand j'habitais à Longueuil. C'est pour toute la périphérie de Montréal et tout ça. C'est fini ce temps-là, ça précise. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça que les gens prennent pas le métro? Ah, moi non. Prendre l'auto D'abord, c'est une pollution, mais en plus, ça coûte le bras. Ah ben oui, de plus en plus. Ça coûte ça... le bras. Ouais. Mais là, c'est pas mal avec le nouveau, enfin, ce que M. le maire Tremblay a annoncé, le programme des pistes cyclables et tout ça, développement du transport en commun. Il veut faire des tramways aussi, ce qui m'amène à une autre question, parce qu'en espérant que ça ne coûtera pas trop cher de développer tout ça, le syndicat d'École Bleue a mauvaise réputation à Montréal. D'où vient cette mauvaise réputation-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle devrait être la position que les gens... Comment on devrait voir ça, ce syndicat-là? C'est une bonne chose pour les Montréalais? Bon, c'est-à-dire, moi, je pense qu'on a toujours pris la question du syndicat des Cols Bleus de Montréal par le mauvais bout. Moi, j'estime qu'il y a un problème d'organisation du travail à Montréal et qu'on devrait réorganiser la façon de livrer les services sur l'ensemble de la ville de Montréal et que si on interpellait le syndicat, le 301, comme il s'appelle sur cette base-là, il me semble qu'on organiserait mieux les services de la ville de Montréal. Vous croyez que les leaders syndicaux, par exemple du 301, sont prêts vraiment à une réorganisation du travail pour que ça soit plus efficace que les Montréalais en aient pour leur argent? Je ne sais pas s'ils sont prêts, mais à mon avis, on est certainement en mesure de les interpeller là-dessus pour faire un vrai débat, qui est en même temps un débat de société, à mon avis. Oui, tout à fait. Alors, je vois pas pourquoi il viendrait pas sur ces ce terrain-là. C'est que d'un côté, on a des cols bleus qui sont sur le bord de la dépression à cause de cette réputation-là. Ils sont en train de travailler, ils sont invectivés, tout ça. Puis d'un autre côté, surtout, mettons, dans le Journal de Montréal, on voit ça souvent en première page, la photo d'un col bleu qui est en train de dormir dans son pick-up à 2h de l'après-midi avec une caisse de 12 en arrière. C'est quoi la question? La caisse de 12, je ne suis pas sûr, là, mais il y a eu ça. Non, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Ben, tu sais, maintenant... C'est-à-dire, l'an passé, il y a eu toute cette campagne, en fait, qui était un peu une campagne orchestrée par le Journal de Montréal. Bien, quand on a regardé ça, on s'est aperçu que les cadres, ceux qui doivent encadrer les travailleurs les cols bleus, ils sortent plus du bureau. Ils sont pris à remplir des formules, puis effectivement, ils envoient des équipes sans les superviser. Ils ont fait une chose... Ils ont installé des GPS maintenant dans les camions. Rien que le fait d'installer des GPS dans le camion a fait en sorte qu'au moins, on sait où sont les gens. S'ils se déplacent. Et puis, ils peuvent les déplacer parce que tous ces camions-là sont reliés par un système de communication. Parce que si tu envoies un camion pour réparer un trou, mais que tu n'y as pas dit autre chose... Ben, coudonc, si c'est ça la job qu'ils ont à faire pour toute la journée, ils vont prendre la journée pour le réparer. Il y a un problème d'organisation. Leader syndical, je tire ça, je crois que ça vient du devoir. Avant, vous étiez plutôt en faveur d'un interventionnisme étatique poussé, c'est-à-dire un État qui intervient beaucoup dans son économie. Puis maintenant, vous croyez de plus en plus que la centralisation, la bureaucratisation sont allées trop loin et provoquent une certaine sclérose qui fait en sorte que l'ensemble de l'appareil étatique fonctionne aux normes et non pas aux résultats. Est-ce que les syndicats fonctionnent aux normes ou aux résultats? C'est-à-dire, les syndicats, ils sont globalement en réaction par rapport à ce qui est proposé. Okay? Alors, quand j'ai dit ça, puis je crois ça profondément, au Québec, quand on a mis en place, avec la Révolution tranquille, l'État moderne, quand on s'est donné un État, là, un système de santé, puis d'éducation, etc., on a fait ça en quelques années. Ça a été, en fait, fait... par en haut, c'est-à-dire, il y a eu une équipe gouvernementale qui s'appelait l'équipe du tonnerre de Jean Lesage. Et en quelques années, on a établi le système de santé, le système d'éducation, etc. Alors, on a fait ça de haut en bas, avec une structure, disons, pyramidale, toute une structure de commandement qui a été, qui est la fonction publique. Alors, c'est un modèle centralisé, c'est un modèle bureaucratisé qui a été très efficace à l'époque parce que ça nous a permis rapidement de mettre en place tous les services. Mais depuis, je dirais, ce mode de gestion-là, c'est hyper bureaucratisé et il faut changer ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut d'abord décentraliser. Il faut rapprocher les services des populations. Il faut surtout impliquer les populations dans l'organisation des services. Donc, il faut décentraliser, il faut démocratiser. Il faut faire en sorte que les lieux de décision soient beaucoup plus proches des lieux de livraison des services. C'est pour ça que moi, je suis pour l'institution de gouvernements régionaux. OK. L'organisation d'un service de santé par région. Alors, en ce sens-là, en disant que l'appareil s'est sclérosé, dans le fond, vous embrassez un peu le discours des Charest et du Monde. Non. Alors, eux, ce qu'ils veulent... Je ne l'ai pas vous froisser en disant non, ça. Non. Mais les Charest et les Dumont, ils ne veulent pas démocratiser. OK, ouais. OK? Moi, je veux débureaucratiser. Oui, on s'entend, oui. Mais pour, au lieu que ce soit des fonctionnaires, c'est que ce soit des usagers, des gens qui sont impliqués dans la société, qui ont à prendre des décisions. Il y a eu des débuts de décentralisation. Bon, ça, c'est pratiquement passé inaperçu, mais à l'époque, on avait créé des régies régionales de la santé. Les RRSSS. Oui. Alors, qui avaient, je dirais, comme vertu de réunir autour de la table, pas rien que des médecins, mais de réunir... Déjà, c'est un bon pas. Ben oui, hein, c'est spécial. De réunir des gens qui s'occupent des services dans la région, des gens des municipalités, pour que le système de santé soit conçu, non pas en fonction des médecins, mais en fonction des réels besoins de la population. Et peut-être que si on les avait laissés vivre, parce qu'on a aboli ça, c'est Couillard qui a aboli ça, si on les avait laissés vivre, ben peut-être qu'on se serait mis à réfléchir à la santé autrement que rien que par le volet curatif. Là, on réfléchit à la santé rien que par le bistouri. Alors qu'à mon avis, la véritable préoccupation de la santé, ça devrait être une approche de prévention. Ah, c'est sûr. Une approche de santé publique. Mais ça, là, ceux qui s'occupent de la prévention et de la santé publique, c'est des gens qui, effectivement, s'occupent des milieux de vie. Les médecins qui sont avec les bistouris, là, c'est pas tout à fait leur tasse de thé, ça. Monsieur Larose, pensez-vous faire un saut en politique bientôt? Un jour? Moi, je pense que si j'avais eu à faire de la politique, il y a longtemps que j'en aurais fait. Ouais. PQ ou Québec solidaire? Je vais te dire, ça va dépendre des circonstances. Moi, je pense qu'il y a une question centrale à régler au Québec, c'est effectivement celle de la souveraineté du Québec. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas toutes nos ressources puis tous nos pouvoirs, on pourra même pas chicaner comme il faut pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Bien, non, mais c'est ça le problème. Peut-être. Dans un Québec indépendant, quelle serait votre préférence comme interlocuteur ou dans le Canada anglais? Ben, je voudrais avoir un vrai Canadien anglais. OK. Non, c'est parce qu'on voit que Dion parle beaucoup de plumes et que les Québécois préfèrent Jack Layton. Layton. Mais il faut que ce soit un représentant du Canada anglais. Dion, là, ça représente personne, ça. On l'a fait. ça représente même pas le Québec. Alors, les forces obscures, peut-être. Il n'y a aucun intérêt de ce côté-là. Mais dans un Québec souverain. Non, allez-y. Moi, dans un Québec souverain, je vais avoir deux priorités. Oh oui. La première, c'est effectivement l'éducation. Mm-hmm. L'éducation, c'est l'investissement premier des sociétés avancées. Mm-hmm. Ce qui fait la différence dans nos sociétés ou ce qui fait la différence entre les nations, c'est effectivement le brain. C'est effectivement la bonne vieille relève. La capacité que les personnes ont. Alors là, on s'axe sur les résultats. Oui. On est en train de s'axer sur les résultats, oui, en effet. Moi, je suis d'accord en tant qu'universitaire. Non, c'est mais, clair que... Oui, mais les résultats, ça peut être aussi des résultats au niveau de la culture, au niveau de la création, de l'humanisme, au niveau de la recherche. Ce qu'on appelle des externalités en économie, c'est-à-dire des... Enfin, ça peut être bénéfique en tant qu'administrateur qui parle. Mais je veux plus qu'on internalise tous les gains. Mm-hmm. C'est-à-dire... Et ma deuxième priorité, ça demeure effectivement la question des milieux de vie et la question environnementale. C'est-à-dire, on prend conscience maintenant de la finitude de la planète. Moi, quand j'étais jeune, jamais on se serait inquiété de la santé de la boule. Hein? On avait l'impression que c'était inépuisable. Bon, même l'Organisme mondial du commerce a déclaré en 1976 que les océans, c'était une ressource infinie de personnes. Voilà. Ça fait 30 ans. Au nombre de Charger 69 qui se sont vendus, je te garantis que ça crée pas mal la pollution par le gaz. C'est vrai? Ah oui. Ah oui. Alors, moi, ce serait les deux investissements. Moi, je pense drette de même. Bon. Parce qu'on a le droit de se tromper en tant que société, mais si on se donne pas les moyens de reprendre nos erreurs dans le futur, ben on va juste s'enfarger, tomber dans rien, puis ben, ça mènera pas vers de quoi de bien beau. Exactement. Moi, je vais reprendre le contrôle des ondes, c'est ce que je voulais dire tantôt. On va aller écouter Martine Sinclair et On va s'aimer. Ensuite, on va revenir pour un petit dernier bloc à l'émission 70%, l'émission où on parle de syndicalisation avec un des papes de la chose avant, après avoir écouté des séquences de Ninja. Excellent. Merci, M. Larose. On vous revient juste après. Bon, ben, simplement pour mentionner, après avoir entendu Martine Sinclair, qu'aujourd'hui, pendant l'émission, vous avez entendu des chansons qui venaient de Einhander, un shooter au PlayStation en background, pendant qu'on parlait de syndicalisation et des vraies affaires. Et sinon, ben, j'aimerais rappeler la présence en studio de Kringer, le tigre de combat de He-Man, qui est juste devant Monsieur Larose. Et voilà, c'était mon intervention. À toi, Simon. Oui, ben, parlons tigre, parlons français, parce que saviez-vous qu'à Edmonton, en Alberta, les visiteurs peuvent maintenant s'adresser en français à Boris. Boris, qui est un tigre de Sibérie, qui réagit favorablement en entendant la langue de Molière, n'est-ce pas? Boris, qui est né et qui a grandi aux eaux de Granby au Québec et vit au Edmonton Valley Zoo depuis un an. Et le personnel du jardin zoologique a observé que le français demeurait sa langue préférée, n'est-ce pas? Voyons. Quand Boris est arrivé à Edmonton, les employés constataient qu'il ne répondait pas à des ordres en anglais. Et Ginette Heppel, Ginette, une francophone de la Saskatchewan qui travaille, a expliqué que Boris s'est approché d'elle quand elle s'est mise à lui parler en français. Elle a ainsi pu établir que le français était la langue à laquelle il était habitué. Ah, Ben oui, s'il venait du Québec, alors... Ouais. On tombe amoureux de la chose, hein? Ben oui, tout à fait. Hey, parle-moi de ta gang de rockers, là. On vient de le lire, là. C'est super drôle. Oui, en fait, c'est que tout récemment, en Angleterre, on va avoir des extraits la semaine prochaine. Oui, oui. On vous le promet. OK, c'est un groupe qui s'appelle The Zimmers, un groupe de rock britannique, donc, dont l'âge cumulé des musiciens atteint, figure-toi donc, 3000 ans. Ils sont entrés dans le top 30 britannique dimanche passé grâce à la reprise du très célèbre titre des Who, My Generation. Ah ben ça, apprécie. Alors, à 90 ans, M. Alf Caretta, qui est un des leaders des Zimmers, a interprété My Generation. C'est ça, le hit se retrouve en 26e place. Le plus vieux membre du groupe est un centenaire, n'est-ce pas, M. Buster Martin, qui exerce encore son métier de plombier à Londres. 108 ans, toujours plombier. Hein? Tout à fait. C'est apprécié. Oui, yeah. Ben, les tuyaux doivent être faciles à Londres. Ben, peut-être que c'est ça. Tout à fait. Alors, on peut trouver ça sur YouTube. 2,3 millions de personnes ont vu ça sur YouTube. Ah, ben disons. Hey, hein, ça monte vite, ça. Hein? Tout à fait. La démocratisation, pour vrai. Ça, c'est une belle nouvelle, mais j'en ai une épaisse. T'en veux-tu une épaisse? Une vraie de vraie, une let's vraie go. Solide, on là, va faire plaisir à Gérard. Là. Il ne viendra pas nous voir tout le temps. OK. Ben, il y a celle qui était sous oxygène, n'est-ce pas, et que la compagnie d'électricité a décidé de couper le courant pour non-paiement de la facture. Ah bon? Où ça, aux États-Unis? Non, c'est en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est Folele Muliaga, 44 ans, qui est décédé malheureusement. La compagnie publique s'appelle Mercury Energy. Le directeur général de l'entreprise, M. James Mulder, a fait savoir que la société était anéantie par cette nouvelle et menait sa propre enquête, n'est-ce pas? Eh hey boy! Ben, décédé, fait qu'il n'y aura pas son 45$ de facture d'électricité pour les deux derniers mois. Il est anéanti. Mais, enfin, c'est des vraies nouvelles. Il y a cette dame, n'est-ce pas, qui a décidé qu'elle va choisir à qui donner son rein au cours d'une émission de télé-réalité, une émission de télévision néerlandaise, n'est-ce pas? Eh hey, oui, j'ai lu ça, c'est dément. Ouais, mais c'est un canular. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est un pour canular. Ah, oui, des oui, nouvelles oui, fraîches! En hey, fait, c'est... Oui, on a une source à côté de nous, hein. Ben oui. C'est celui qui a inventé la télé-réalité. Vous savez que c'est un Hollandais qui a inventé la télé-réalité. Ok. Et puis il voulait que le problème des dons d'organes soit connu. Alors il a simulé, c'est-à-dire il a fait connaître que la prochaine télé-réalité était effectivement le don d'un rein. Alors, disons, ça a fait un scandale partout, y compris... Je comprends, hein, voyons. Aux États-Unis, les gens trouvaient ça abominable qu'on puisse faire une télé-réalité à partir de la réalité d'un don d'organes. Ben comme oui, c'est des rein. Vies de personnes qu'ils ont... Alors, ils ont fait une première heure de diffusion, et puis, alors, le scénario était le suivant. S'il y avait une actrice qui se faisait passer pour être cancéreuse jusqu'au dernier degré, et donc... qui voulait donner son rein, ses reins, et elle choisissait parmi les trois qui se sont présentés. Et effectivement, c'était trois personnes qui avaient besoin d'un rein. Oh boy! Alors, ils ont commencé à faire la... Qui avaient réellement besoin d'un rein? Qui avaient réellement besoin d'un rein, mais qui ont joué le jeu. Et puis, à la fin de l'émission, de la première heure, là, c'est le monsieur, je me souviens plus de son nom, celui qui est le producteur de la télé-réalité, qui a dit que c'était un canular, mais que c'était pour sensibiliser les parler gens des vrais aux dons d'organes. Enfin, c'est une manière de le faire. Ouais. Ça a marché bien mieux que beaucoup de campagnes publicitaires. Ouais. Probablement. On en parle ici, puis merci pour les nouvelles fraîches. Ah, ben ça, apprécié. T'es un lecteur de nouvelles en compétition, je Simon, fais outcasté. Ben, je me suis fait outcasté. Ben, on n'est pas syndiqué à choc ici, ouais, monsieur. Bon, Je risque de perdre ma job. Peut-être des conditions de travail. C'est pas grave. T'en as-tu une autre pour te reprendre ou t'as des questions? Oui. Moi, j'avais encore une ou deux questions. Tu connais mon pays préféré, Tommy? Oui, c'est la Pologne. Oui, la Pologne, n'est-ce pas? Alors, saviez-vous que la médiatrice polonaise aux droits de l'enfant, qui a été convaincue par des experts, n'est-ce pas, a exclu... Enfin... Elle a exclu que la série télévisée britannique pour enfants Teletubbies fasse de la promotion voilée pour l'homosexualité, contrairement à des soupçons antérieurs que madame avait eues. Hey. Alors, c'est dans une entrevue dans l'hebdomadaire Sprocht, la médiatrice nommée en Pologne par la Chambre basse pour un mandat de 5 ans avait souligné que l'un des personnages masculins de la série, Tinky Winky, C'est vrai que ça fait un peu... Oui, ça fait questionnable. Porter avec lui un sac à main, accessoire plutôt féminin, n'est-ce pas? Alors, il pourrait y avoir un sous-entendu homosexuel voilé, a-t-elle constaté, en annonçant qu'elle allait demander une expertise psychologique. Pourquoi qu'elle fait pas ça? C'est elle qui devrait aller en expertise psychologique. Voyons donc, c'est quoi ça? C'est ça. Alors, bon, les Teletubbies, une série britannique, blablabla, diffusée dans 120 pays, blablabla. Hey! Monsieur Larose, on a su que votre émission d'enfant préférée, c'était Gérard Bobineau, pardon. Ouais. Maintenant, peut-être nous dire c'est quoi votre groupe de musique préféré. Toi, Tommy, est-ce que c'est les Tommy Tubbies? On peut fermer un micro. Là. Non. Moi, disons, là, avis, mes deux groupes. Moi, c'est d'abord Pink Floyd. Ouais. Bravo, t'es excellent puis, choix. Bon, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté des Beatles. Là. Ça, ouais. ça a été, bon. C'est les 60s, 70s pour vrai, ça. Hein? Oui, oui. Excellent choix. Ça m'a, disons, accompagné durant les folles années. Les Beatles? Des années. Mon père aussi. 70. Ah, ben oui, hein, ouais, les ouais. Oui, ben oui, c'est de votre génération. C'était une véritable. C'est vrai que c'était c'était un culte. Ah, hein? Oui. C'était. On suivait chacune des sorties. Était-il le premier des boys bands? Et on a eu Michel Lozière ici, le gars des Foubraques. Ouais. Et puis, habituellement, on demande à nos invités d'amener un extrait qu'ils aiment beaucoup et quelque chose qu'ils trouvent un peu douteux ou insupportable ou ridicule ou grotesque ou peu importe. Puis lui, c'est ça le deuxième volet de la chose, c'est-à-dire ce qu'il trouvait ça un peu, enfin l'extrait un peu absurde. C'était quoi, Tommy, tu t'en rappelles? C'était les Beatles en allemand. En allemand? Ouais. Non, c'était pas les Beatles en allemand. C'était les Beatles enregistrés live, puis on n'entendait absolument rien. Ah oui, parce on entendait un bruit de fond. Trop. Puis on entendait une espèce de son strident aigu oui. De demoiselle qui en pamoison trop. Oui, excuse-moi, on avait parlé des Beatles en allemand. Oui, mais ça, c'est un disque ou bien c'est un enregistrement? C'est un vrai disque commercialisé pour vrai. Ah oui? C'est juste le son était tellement fade, ça n'avait pas de sens. Je suis obligé de prendre le contrôle. Un petit dernier merci à M. Larose. Un mot de la fin? Ça m'a fait bien plaisir. Ah, peut-être une dernière question. Est-ce que tu as un jeu vidéo préféré? Moi, je suis pas... Pas encore? Je suis pas de cette génération. Essayez le Wii. Ça, ouais. Mon grand-papa, il trippe bien raide sur le Wii. Puis mon papa aussi, il trippe bien raide sur le Wii. Non, moi, je travaille trop à l'ordinateur pour me mettre à jouer là-dessus. Peut-être, c'est une très bonne explication. Amateur de golf? Oui. Bon, ben là, on va vous laisser parler de sport entraîneur. Il faut qu'on fasse la place pour la prochaine équipe. Merci encore, M. Larose. Vous repasserez un moment donné. Hein, très bien. Alors, bonne chance à vous deux. Ça a été super sympathique. On vous laisse avec des extraits 70%. Puis réfléchissez à ça. Hein. Là, c'était loin du syndicalisme corporatif et du syndicalisme administratif. Affairiste. On vise le sociopolitique. Voilà. Vive une société plus égalitaire. Très bien, t'as bien retenu ça là. C'est excellent. Bon. C'est bon. À la prochaine. All right. Feet are tank treads. Your blue eyes can stare a red hot hole into any woman's heart. You can make love and make war with the same firepower. And still, this future Ayatollah thinks you'll never do the job alone. His poor slaves can never join you to destroy his empire. Because he thinks you can't live without his supplies. This time you're fighting for your life. So load up and hang on tight. You're about to begin this exclusive mission on adventure video. Rush. And when it's done, if you survive, then I'll be right here. T'aimes pas la question, Jean? Non. Tu trouves pas qu'il est en train de devenir le gardien numéro un du Canadien? Non, non, moi, je l'ai dit que c'était Huet qui était gardien de but numéro un. Il est en connaissant quelqu'un par la TV, tu le connais pas complètement. Ça, je me suis dit qu'en tant que patron, je pourrais vous faire chier puis vous allez me connaître pour vrai. En fait, moi, je vais être patron parce que ça fait comme 5 semaines qu'on est ici. Puis la première semaine, je voulais l'être, puis je l'ai pas été. Puis j'avais pas le goût de me renommer comme patron. Je te dis que c'est grave. Ça sera pas juste mettre quelqu'un par la terre. Non, non, non. Ça va impliquer plus que ça. Oui. Moi, j'aimerais mieux pas que tu prennes un risque. C'est juste ça. Moi, je te dis comme ça. Moi, ça, ben, je veux dire, ça veut le prendre, elle veut le prendre. Puis je vais quand même voter pour elle. Oui, si non, c'est ça. Je vais te présenter. Je vais te présenter. Elle rentabilise le déguisement qu'elles ont acheté exactement pour d'autres occasions. Et on a vérifié. Hey fille! Hein? Réveille-toi! Là? Réveille-toi, il y a des rayons laser! Quoi? Des rayons laser! Mais oui, on n'en skippe pas! C'est parce que c'est sur les hautes! Qui ça? De quoi? Sur les hautes! Ok. Sur les hautes! La plus belle tonne du monde que j'aime ça! Bienvenue, chers auditeurs, à Sur les hautes, sur les ondes de Choc FM, l'alternative urbaine, en compagnie de Isolde Lagagnère et Kim Saint-Pierre, d'un côté et de l'autre de la table, et Olivier Graton-Gagné qui fait office de technicien encore une fois. Merci, merci, merci. Gros bec. Hein, pas de... Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bon, l'été n'existe plus tout d'un coup, c'est ça qui se passe. Et bon, petit update sur le feuilleton pour ceux qui peut-être se décideraient d'y aller. Je veux vous rassurer qu'en début de